Audiomatique. C'est sur la musique de Lobo Gris, projet de l'artiste péruvien Gustavo de la Torre Casal, que s'ouvrait la transmission 080 d'Audiomatique. La courte pièce Sad East, qui mélange l'électro à l'esprit de la musique blues, se trouve sur l'album Bipolar, qui est la plus récente parution de Lobo Gris. Ce projet musical est caractérisé par un éclectisme qui mène l'auditeur vers de multiples perspectives de la musique électronique, ratissant plusieurs styles allant du néoclassique au drum and bass en passant par la folk, la house, l'industriel, l'ambient et l'IDM. Les électronistes, toujours fidèles au poste, qui ont en réserve pour vous ce soir une autre programmation de musique électronique de tout horizon, qui saura, nous l'espérons, attirer votre attention, susciter votre intérêt et assouvir votre curiosité. Et sans plus de préambule, nous vous confions que le prochain segment musical sera lancé par le duo néerlandais Hati Hati. Mark and Hope. À Audiomatic, nous entendions la chanteuse britannique PJ Harvey qui nous interprétait la pièce « Dollar, Dollar » de son plus récent et 9e album studio intitulé « The Hope 6 Demolition Project ». Bien que cet album ne sera jamais considéré comme étant un album de musique électronique, on y retrouve tout de même des claviers et des basses synthés qui, même s'ils ne sont pas mis en évidence dans la production, permettent aux électronistes de justifier leur choix de vous présenter un extrait de ce dernier album de PJ Harvey. De 2011 à 2014, PJ Harvey a accompagné le photographe et cinéaste Seamus Murphy dans ses périples au Kosovo, en Afghanistan et à Washington, D.C., aux États-Unis. De ses voyages, elle en a tiré l'inspiration pour écrire un livre de poésie intitulé « The Hollow of the Hand » et bien entendu pour composer les chansons de son album « The Hope 6 Demolition Project », dont le titre fait directement référence au programme de rénovation urbaine américain instauré en 1992, appelé « Hope 6 Housing Opportunities for People Everywhere », qui a eu pour objectif de démolir une grande quantité de logements sociaux. Ces démolitions massives doivent s'accompagner de la reconstitution d'une offre diversifiée dans le but de susciter une mixité de revenus. Il s'agit également de proposer un tissu urbain moins dense et de réaliser des opérations pour déconcentrer la pauvreté. Les effets de ce programme peuvent être pervers puisqu'après les rénovations, certains résidents d'un quartier n'ont simplement plus les moyens d'y vivre. Cet album de PJ Harvey, aux propos très politiques et sociaux, ne demande pas seulement d'être entendu, mais bien de se faire comprendre et nous oblige presque à pousser la réflexion bien après que la musique se soit tue. Rappelons que pour cet album, PJ Harvey a offert des sessions d'enregistrement ouvertes au public dans le cadre d'une installation artistique à Somerset House à Londres appelée « Recording in Progress ». Les sessions étaient d'une durée de 45 minutes chacune et ont débuté le 16 janvier 2015 pour se conclure le 14 février 2015. Et en amorce de séquence, le duo néerlandais Hati Hati nous présentait la pièce « After All » de leur excellent album « Eye as the Sun ». Vous êtes toujours en compagnie des électronistes et on y va maintenant avec le projet canadien Caribou, duquel nous écoutons la pièce « Hannibal ». Thank you. Précédemment à la coupure publicitaire, l'artiste Brian Mayhall nous offrait sa version de la pièce Estrella del Alba, originalement composée par la formation argentine Lollapalooza. On peut trouver ce remix sur le volume 3 de la série Orcas Remix. C'est une série de EP qui propose différentes versions électro des pièces qu'on retrouve sur l'album Orcas de Lollapalooza, un album qui est à tendance beaucoup plus folk. Avant cela, c'était une formation argentine, une autre, soit Kamanchaka, qui nous présentait la pièce Chango Space UK, tirée de son tout nouvel album intitulé Aurora. Il s'agit là d'une belle découverte pour ceux qui apprécient le style Deep House que Kamanchaka agrémente avec des influences sud-américaines. Et la séquence de trois pièces s'ouvrait sur la musique de Caribou, le projet de l'artiste canadien Dan Snaith. Nous écoutions la pièce Hannibal tirée de son album Swim paru en 2010. Vous êtes toujours à Audiomatic en compagnie des électronistes qui vous offrent à entendre à l'instant la musique de Benko de Gaia. Thank you. Ils nous ont présenté un spectacle inspiré et inspirant hier soir au Café Frida de Trois-Rivières avec Pang Attack en première partie et j'ai nommé la formation montréalaise Soons, de qui nous entendions pour clore le dernier bloc la chanson Careful de leur plus récent album Hold Still. Et pour débuter, il s'agissait du projet Benko de Gaia, mené par l'artiste britannique Toby Marks, qui nous interprétait la pièce Mafish Arabi, remixée ici par Temple Heads. Cette version se retrouve sur l'édition 20e anniversaire de l'album Maya, originalement paru en 1994. C'est en retournant plus de 25 ans en arrière que nous terminerons cette transmission 080 d'Audiomatic avec le projet Another View mené par l'artiste britannique Adrian Smith avant qu'il forme avec son frère le groupe Click Click. De Another View, nous entendrons la pièce For My Friends, qui est parue en 1981 sur la cassette de Mental Dance. Cette dernière a été rééditée avec 5 autres cassettes de l'époque pour le coffret de 6 vinyles A Career in Dancing, The Abstraction Years 1979-1981. 1981, regroupant presque toutes les compositions du projet Another View. Les électronistes qui ont pris un malin plaisir à vous présenter cette transmission d'Audiomatique vous convient à renouveler et partager ce plaisir mercredi prochain à compter de 17h sur les ondes du 89.1 FM. Nous vous invitons également à vous replonger dans ce plaisir en vous rendant sur notre profil facebook.com/audiomatique-CFOU où vous pourrez écouter à nouveau toutes nos anciennes émissions. Voici donc Another View et la pièce For My Friends. Bonne écoute et bonne semaine.